слышишь, уши аись, у всех по жесть, альфам, кача, я вино пистолетный блабыш, альфам, кача, шамбалов фабишту, вельбишту, альфам, кача, окидо есть на твоя трапе, вышу, альфам, кача. Deuil ne veut des rêves, m'arrête qu'elle rêve. L'un enfant où j'y pisse, l'un homme dans le jour, pisse, pisse, c'est très vasta. L'Ukraine, c'est un homme d'eau, d'un morgue ou hésite. Les stages n'est mes droits, si continue. L'un sort qu'il est seul. Rame si on a fait la guéroche, ça, ça se l'est rêve. C'est neuf, toujours, ça se l'est, je très beau et si l'air. Je lui mets mes lampes à l'an, en fait, en haut, tout ça. Un bus tout est lourd, mais je vois, il a eu ses reflets, il va me ressusciter, c'est moi, je sais qu'à l'an. Où je joue, je haïs. C'est le ballon faux, on le rêve, on souffle les chalices, des sept-fils, moi c'est un chamal à bouche-douille. D'ailleurs, ah, il fait l'on s'y fiche, je connais mes maths sèches, mais le masse à y rêver, c'est très bouche. Jamais trop paru, je t'aimais, la vie, il serait mal, vrai, renard, je suis bonne. Au tibouk, au tisson, au don, erpa, au fond, au enfant et au rémi des dons. Pour que tout qui court, erpa ou creuse, au rémi des deux rêves, et de fichus d'amassora de ça. C'est là, reste dans mon compte, tout guette, mes filous, et le bête de ce giste. J'en roule la soupe, jour, jour, ma sage. La maille se joue, au de spraïble, et à l'art, et mec, fais à l'on et les bailles, au et divin, ils veulent nos cartes, et rapide. Moi, ce chat, non, me le rapproche, il vient vous de se servir, je m'approche son culot, les vies, je défie, que les combinés, que les caisses, pour les divises de l'huc, les vies, que les, et à l'arrêt, je bouffe, les vies, nous, d'or, bénéfice, que les crèves, je touche, si, si, non. Crèves, je touche, si, si, non. Si, si, non. No!